dar um meta para você. Eu vou dar para a Eu não pego na pequena linha. Será mesmo? Será agora? Será mesmo? Eu digo que isso é mesmo. E assim, meu pai, vai tomar de pé. Dans la tradition philosophique, je l'appellerai après le maître de Christ. Néanmoins, le discours du maître, tel que j'essaie de le dégager, a aussi l'accent. De ce fait, on peut dire que notre époque, il arrive à pouvoir être dégagé dans une sorte de pureté par quelque chose de présent directement et au niveau de la politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il en sert tout, même ce qui se croit révolutionnaire. Plus exactement par ce qu'on appelle romantiquement révolution avec un grand R, ce discours du maître. Ce discours du maître accomplit sa révolution. Dans le sens toujours qui se veut. Maintenant, disons de cette mise en valeur un peu aphoristique, j'entends bien, mais qui est faite comme aphorisme, le signe qui est fait pour éclairer la tâche. Alors, disons de ceci, il y a ceci qui nous intéresse, je veux dire vous et moi, il y a que ce discours du maître n'a qu'un contrepoint, ce discours analytique, encore inapproprié. L'appel contrepoint en ceci, que sa symétrie n'existe qu'une et de sa symétrie n'est pas par rapport à une ligne, par rapport à un plan, par rapport à un point. Notre terme, il est obtenu par quelque chose qui est le bouclage de ce discours du maître, auquel je faisais un instant référence. À l'instant référence. D'autres termes, ce que je n'ai pas vu, parce que ça commence à fatiguer à écrire au tableau, c'est savoir la disposition des grands êtres du Paris, Miroté et du Pita, tel que je réinscris la dernière fois et je vais vous faire, excusez-moi, vous avez encore la transcription sur vos papiers. Cette instruction n'est pas le temps de faire, donc vous êtes de la faire quelque chose, eh bien, elle montre assez cette symétrie par rapport à un point qui fait que le discours psychanalytique se trouve très précisément au point opposé du discours du maître. Voilà. Dans ce discours psychanalytique, il nous arrive de voir certains termes qui servent de filon dans l'explication. Terre, par exemple. On vous arrive de voir quelqu'un tenter de rassembler les principales données. Un exercice pénible. Pénible, ça s'il est fait à l'intérieur de ce qu'on attend, ouais, où nous en sommes énoncés, une énonciation psychanalytique, c'est à savoir une référence génétique. On sera obligé à proposer. de partir de l'enfant. L'identification de l'homme, c'est vraiment quelque chose qui peut aller à un extraordinaire bâtillage, une contradiction étrange. On nous parlera d'identification primaire, elle met en scène qui dit l'enfant à la mère, ça semble en effet aller de soi. Il est bien curieux que si nous nous sortons après le discours de 1921, celui qui s'appelle Psychologie des masses et analyse du monde, mais c'est très précisément à l'identification au père que nous nous rapporterons comme primaire. C'est assurément bien étrange, une étrange en effet de voir qu'en somme, ce que fera le point là. C'est que tout à fait primordialement, le père, sa mère, le président, à toute première identification vers celui précisément qui est d'une façon élu, celui qui mérite l'amour. Ceci est bien étrange, naturellement. Sauf pour nous, là, de mettre, je veux dire, en contradiction. Le développement de l'expérience analytique sûrement a établi la priorité du rapport de l'enfant en discordant de celle du discours freudien avec le discours de psychanalyse. Peut-être que ces discordances et l'ordre que j'essaie de mettre par référence à des configurations de discours, en quelque sorte, est là pour nous rassurer qu'il est strictement impensable de dénoncer quoi que ce soit ordonné dans le discours analytique sinon. À se souvenir. Quelque chose dont nous savons tellement que c'est le fait d'une collaboration reconstructive avec celui qui est dans la position de l'analyse, auquel nous permettons en quelque sorte d'entrer dans sa carrière. Il faut me souvenir que ceux qui font de cette reconstruction, cette possibilité même de l'aide sous la forme de l'interprétation, de force, pour extraire la forme de pensée imputée qui a été en effet déchirée par celui qui, en l'occasion, vérifie bien en effet le titre de passion. C'est quelque chose qui, pour être efficace, ne doit pas le faire ou le nier. Que la configuration subjective a, par la liaison physique, une objectivité parfaitement repérable. Là, à tel point de liaison, celui tout à fait premier du S1 au S2, là, c'est possible de s'ouvrir cette faille qui s'appelle le sujet. Là, les effets de la liaison à l'occasion du temps, s'opèrent. Que quelque part, ce vécu qu'on appelle plus ou moins proprement pensé se produit, non, là se produit quelque chose qui tient à une chaîne exactement comme si c'était de la pensée. Preuve qui n'amène à rien dit d'autre quand il parle de la conscience. Non seulement induit, mais déterminé cette position certaines positions du sujet en tant que foyer de défense. Eh bien, ce que j'apporte, ce que je vais annoncer de nouveau aujourd'hui, en s'émettant vers les moyens de la vie, ce qui s'appelle le savoir, signifiant maître, venir, il faut entendre par là le signifiant maître non seulement induit, mais détermine la façade. D'accord, puisque nous avons avancé, signifiant maître. Qu'est-ce que ça peut vouloir? Assurément, au départ, il n'y en a pas. Tous les signifiants. Allons en quelque sorte de m'échouer. C'est sur la différence de chacun à tous les deux. De n'être pas les autres. C'est aussi par l'âme que chacun est capable de venir en position de signifiant être. C'est très précisément en ceci que la fonction éventuelle, c'est ainsi que je le définis de toujours, peut représenter un sujet sur tout autre sujet. Seulement le sujet qu'il représente n'est pas une force. Il est représenté sans doute, mais aussi, n'est pas. À ce niveau, reste caché ce maître. Et là, autour de ce jour, le jeu de la découverte psychanalyse, qui n'est pas bien sûr comme n'importe quoi d'autre sans avoir été en quelque sorte préparé. Par cette méditation, plus une méditation, et cette ambiguïté soutenue sous le nom de dialectique par Hegel, quand il se trouve posé en quelque sorte au départ de le sujet, s'affirme comme ce sachant, quand il ose partir de la scène de Bouddhaïs, dans son énonciation la plus naïve, de savoir que c'est conscient, que c'est être conscient. Et pourtant, de très sérieux, de même sorte de débat avec une série de cris qu'a obtenu, comme il dit, où il résulte, cette self-bewusstsein elle-même, figure inaugurale du maître, trouve la vérité du travail de l'autre par excès, de celui qui ne se sait d'avoir. Corps même dont il se supporte d'avoir voulu le garder, son accès à la jouissance d'esclave. Comment ne pas essayer de rendre cette ambiguïté régulière, non pas d'y être contre, dans une autre voie de tentative, à partir de ceci qui nous est donné, l'expérience, il s'agit Il s'est dit toujours de revenir pour la mieux tirer l'expérience psychanalytique. Et plus simplement partir de ce qu'il y a. Un usage du signifié. Il faut définir, de partir essentiellement du climat d'un signifiant maître avec ce corps, justement. Le corps perdu par l'esclave ne devienne qu'un autre que celui de nous ainsi tous les autres. C'est de cette sorte que nous pourrions imaginer ce savoir de preuve définie de mettre dans cette parenthèse énigmatique de l'ouvre vers près. Ce qui veut dire justement qu'il n'a pas dû à être retrouvé. Parce que ça n'est qu'une origine. Savoir sans tête. Le bien-être politiquement définissable en structure. Partir de là, tout ce qui se produit dans le sens propre, le sens plein du mot produit par le travail, le qui se produit concernant la vérité humaine, savoir ce qu'il cache comme sujet, ça rejoint le savoir en tant qu'il est libre pour faire grève, en tant qu'il est et que personne n'y comprend rien. Vous sachiez d'ailleurs que cet écho vient de droite ou de gauche. Ils adoptent ce principe, ce qu'on appelle le support mythique. Une société que nous pouvons analyser comme ethnographique, c'est-à-dire comme échappant au discours du maître. Être comme avec la prédominance du sujet en tant que juste temps de ce support de ce niveau ultra résultat d'être identique à son propre signifiant. C'est en quoi je l'ai indiqué la dernière fois. La nature affine à ce discours ce qu'on appelle la mathématique. L'arma, il représente lui-même sans avoir besoin du discours mythique qui lui donne ses relations partout ailleurs. La mathématique représente savoir du maître en tant que constitué d'autres lois que le savoir qui. Savoir du maître se produit comme un savoir entièrement autonome du savoir mythique, qui est ce qu'on appelle la science, ce que je vous ai indiqué la dernière fois. La figure donne une rapide évocation de ce qu'il en est de la thermodynamique. Et plus loin de toute unification du champ physique, laquelle repose sur ceci, la conservation d'une unité inertielle, une constante, toujours retrouvée dans le cours. Je ne dis même pas dans la quantification, dans le compte, manipulation de chiffres, ça définit telle sorte. Pas apparaître. En tout cas, cette conscience dans le compte, voilà ce qui suffit, ce qui seulement supporte, qui est absolument contre la science physique de l'énergie. Voilà ce qui lui donne aussi Y mi tiempo vamos a ver siendo. Justicia, la justicia. Le cose justicia, que a partir de ce de le signifiant peut signifier lui-même. C'est le grand acte que vous avez écrit. Ça peut être signifié par sa répétition de grand acte. Donc, il est justement, strictement intenable. On regarde ce qu'il en est, la fonction qui peut tout signifier, lui, sauf naturellement lui-même. Cette infraction dans la règle, le postulat initial, il faut se débarrasser de ce qui me dure le discours d'un autre. Entre les deux, de cette infraction originelle à la conception du discours de l'énergie, le discours de la science ne se soutient dans la logique. De faire de la vérité un jeu de valeurs, à éluder radicalement sa puissance même. Le discours de la logique propositionnelle, foncièrement comme la tautologie, consiste à ordonner des propositions composées de cette sorte. Qu'elle soit toujours vraie, quelle que soit vraie, il pose la valeur de proposition élémentaire. Ce que ce n'est pas à dire, c'est de se débarrasser de ce que l'on fait en même temps, du travail de la vérité. Eh bien, la question est autrement de ce qui spécifie et distingue le discours analytique de poser la carte c'est cette forme de savoir qu'elle exclut la dynamique de la vérité. La première approximation est ceci, c'est qu'elle sert à refouler ce qui dit le savoir. Mais tu es excluant celui-ci, il y a l'autre. Non, tu viens connaître sous la forme de ce autre groupe, tu es l'espèce de l'inconscient. La forme d'un savoir disjoint et part de ce savoir. Il n'est pas de l'aucune façon ce qui va être reconstruit de ce savoir qu'il joint par ce retour au discours de la science, ni à ses lois structurelles. C'est dire qu'ici, on le distingue de ce temps des noms de notre prologue. À ce discours de la science, le savoir du Dieu, tel que nous le retrouvons dans l'inconscient, est étrange. Justement en cela qu'il est frappant qu'il s'impose. Donc, exactement de ceci que je n'en sais pas. Pour l'employer, je n'en pas le meilleur. Ne décolle pas. Parce que si tout qu'il soit, répond à quelque chose qui tient très précisément à l'institution du cela qui s'appelle l'inconscient, qui s'impose à la science comme un fait. La science fait, c'est un 没必要。啊，这算是如何被一举做你要在大学的话说就是就阿富啊当然还能一直卡连续大学这夸张太大你要在大这是就这么mais du point de vue de l'ethnographe, qui veut dire, étant donné ce qu'il veut dire, le courageux petit médecin qui dit ce bien, profilé dans la hiérarchie médicale de la métropole, nous n'ignorons pas que nous sommes encore des temps coloniales, que vous avez fait pour les séparer.Et notre du niveau de l'ethnographe, c'est à peu près ce qui est journalisme. Mais leur inconscient fonctionnait selon les bonnes règles de l'esprit. C'est-à-dire qu'il était l'inconscient. On leur avait vendu en même temps que les lois de la colonisation. Forme exotique du discours humain. Tout à fait régressif.Du capitalisme qui est justement ce qu'on appelle impératif. Leur inconscient n'était pas celui de leurs souvenirs d'enfants, de là ça se touchait, mais leur enfant, rétroactivement vécu dans nos catégories, si de nos.Familiale, que je dis, quelques analystes de ça, même aller sur le terrain me contredit. Ce n'est pas la psychanalyse de faire dire à procéder à une enquête.Ceci d'ailleurs étant dit que la dite enquête n'a aucune chance de coïncider avec tout savoir de son corps. Sinon, par référence, le discours de la science. Donc malheureusement, la dite enquête n'a aucune nécessité de cette référence. Ce qui lui faudrait la relativer.En disant qu'il n'est pas par la psychanalyse qu'on peut entrer dans une enquête de l'ethnographe, c'est sûrement l'accord de l'ethnographe. Mais dans cette fois, alors, disons que, justement, pour avoir une petite idée de la relativation de l'accord, c'est-à-dire pour avoir peut-être une petite chance de faire une juste enquête de l'ethnographe,Il faut, je le répète, non pas procéder par la psychanalyse, mais il faudrait être un psychanalyste. Et puis, au carrefour, nous énonçons ce que la psychanalyse nous permet de concevoir. Il n'y a rien d'autre que sur la voie.Que le marxisme ouvre, à savoir que le discours est lié aux intérêts du sujet. Ce Marx appelle à l'occasion l'économie. Les intérêts sont dans la société capitaliste entièrement marchandise. Marchandise est lié au signifiant fait.De sorte que ça ne résout rien de dénoncer ainsi. La marchandise n'est pas moins liée à ce signifiant après la révolution socialiste. Alors, ce dont il s'agit de s'apercevoir, c'est que les fonctions propres du discours, telles que Bon, je ne sais pas faire plus, j'en remercie à personne. And the Lord will decree or to bless the seed of man. Let's have it. Mise en position définitive par la distraction du signifiant mais au regard de remarquez que c'est la question pour qui voudrait en savoir un peu plus long sur les sociétés, entre guillemets, primitives, d'autant que je les inscris, je n'être pas dominé par le discours, mais il est assez probable que le signifiant maître, hier, repéra une plus complexe économie que bien à quoi confinent les meilleures recherches. Réjouissons-nous, d'autant plus que ce n'est pas un hasard, que le fonctionnement du signifiant maître soit plus simple dans le discours du maître, qu'il soit entièrement maniable de ce rapport S1 à S2 que vous voyez là avec le sujet. Il ferait précisément si ce discours se trouve lié avec toutes les illusions qu'il comporte au signifiant même. Alors, l'interdiction par la jouissance et le fait du savoir. Et bien, ce que Génon, ce que j'apporte cette année est ceci. Que ces fonctions propres à peuvent trouver des sites différents. Leur rotation sur ces quatre places que vous voyez ici en lettres désignées d'une façon, si ce n'est par la place, celle que j'appelle la location en haut et à gauche, en bas et à droite. Un peu sur le tas, hein, je vais quand même. Ceux qui les auront désignés de le faire, de leur côté, je suis jeune, ces personnes-là. Par exemple, le désir. Et de l'autre côté, le site de l'eau. Là se figure. Dans un registre ancien, j'ai parlé en citant que le désir l'homme, le temps où je me contentais d'une pareille approximation, c'est le désir de l'autre. La place se figurait sous le désir, c'est celle de la vérité. L'autre, c'est celle où se produit la perte, dans la fonction du puits de jouir. C'est là que prend son prix le discours de l'hystérique. Il a le mérite de maintenir dans l'institution discursive qu'il en est du rapport sexuel, à savoir comment un sujet peut le faire, pour mieux dire, le combattre. En effet, la réponse à savoir comment il peut le tenir est celle-ci. En laissant la parole à l'autre, précisément, en tant que lieu du savoir refoulé. Qu'il y a d'intéressant. Le maître éternel. Tout entier étranger à un sujet de ce livre, ce qu'il en est du savoir sexuel. C'est là ce qu'on appelle originellement dans le discours freudien le refoulé. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela. Il prie toujours. N'a d'autre effet, si l'on peut dire, que d'une justification de l'obscurantisme. Ces vérités qui nous importent, c'est pas peu qu'ils sont condamnés à être obscurs. N'en est rien. Je le dis. Que le discours de l'hystérique ne va, c'est rien, que l'inférieur est en partie. Mais au contraire, il ne se distingue pas comme patrie de fonction de celle assignée au discours maître. Et ce qui permet de figurer les mêmes lettres, à savoir le barème, le barème, le barème, le barème, le barème. Il révèle la relation de ce discours du maître à la jouissance. En ce sens, que le savoir, ce discours, vient à la place de la jouissance. Le sujet lui-même, hystérique, ça vient du signifiant maître, c'est le sens de lui. J'ai dit celui au masculin, celui représente le sujet. Celui que le signifiant maître dit, se refuse à s'en faire le corps. Car on parle à propos de l'hystérique de complaisance de maître. Nous ne pouvons pas nous apercevoir qu'il est bien étrange. C'est que c'est le refus du corps qu'il s'agit. À suivre les faits du signifiant maître. L'hystérique n'est pas l'esclave. Tenons-lui maintenant. Le genre du sexe sur lequel le plus souvent ce sujet s'incarne, elle fait à sa façon une certaine grève. Elle ne livre pas son savoir. Elle démasque pourtant la fonction du maître, mais elle reste solidaire. Très précisément en mettant en valeur ce qui dégage le maître, qui est le, avec un grand U, dont elle se soustrait à titre d'objet sans désir. C'est là la fonction propre que nous avons repérée longtemps, au moins dans le changement d'école, sous le titre du père idéalisé. Alors là, n'y allons pas par quatre chemins. Révoquons Dora. Combien ça? Je suppose que nous, là, tous ceux qui sont là à l'entendre, que nous n'ont pas encore ouvert sans doute, simplement, c'est fait. Pour lire Dora et à travers les interprétations, retournez, en quoi le terme est. Hey, contact. Vous avez bien le nom de texte contact, aujourd'hui, vous dites, vous verrez, c'est il semble la preuve d'aller de cela. Qu'une fille, par exemple, s'arrange toute seule de qu'elle est accrochée, là, en tant que monsieur qui se fait. On ne va pas en faire une histoire. Une fille, bien sûr. Mais encore, il va plus loin, une fille normale n'a pas à être évitée quand on accueille une bonne alliance. Ce genre de l'élection, on vient reconnaître le fonctionnement de ce qu'on appelle préjugé dans un certain rapport qui est révélé par nous, par notre Torah. Et si le ministre texte garder l'homme, quelques-uns des repères auxquels j'essaie de me rendre, le mot contourner dont j'ai parlé tout à l'heure, vous le verrez. Il me paraîtra, je veux dire que il ne paraîtra pas illégitime de prononcer mais la prodigieuse finesse, astuce. Ces renversements dont Freud explique, les plans multiples se rétractent en quelque sorte à travers trois ou quatre défenses successives de la manœuvre, comme celle de la fête, de l'orage en matière amoureuse. Peut-être peut-il faire écho à ce que lui-même a désigné son texte de la phrase de l'autre. Il m'a fait paraître que c'est d'un certain mode d'abord que défendre ce contour. Pourquoi ne pas essayer conformément à ce que j'ai énoncé au début de mon discours aujourd'hui de la conjoncture subjective de son articulation finissante rejoint certaines sortes d'objectifs, et à partir de ceci que le père, pour être pivot de toute l'aventure, mais l'aventure est proprement un homme pape. J'entends, par sa puissance sexuelle, qui le manifeste et qui est à toute cause. Et voilà. Dans tous les cas, les choses de l'humoristerie se fait lui-même d'après version symbolique, remarquée. Après tout, même un malade ou un mourant estimé le considérer comme déficient par rapport à une fonction à laquelle il est occupé, c'est ce que je vais probablement parler, il n'est pas responsable. C'est oublier que le père, plus exactement, c'est renfermer implicitement que le père n'est pas seulement, après tout, ce qu'il est, ce que ça veut dire. Hein? C'est un titre, comme ancien combattant. Ancien éditeur. Il est vert comme ancien combattant. Il n'a plus qu'à faire sa vitrine. Non. C'est un vitrine. Dans le beau père, quelque chose de toujours en puissance, sans fait de création. Et c'est par rapport à cela, dans ce champ canonique, que pour marquer le père, j'entends ce qu'il dit. Yeah. et voir j'arrive pour voir ce qui est vrai. Celui que j'appellerai ici heureusement le troisième homme, monsieur Tati. Eh bien, il s'agit de savoir comment on s'entende. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, si on lui convient à temps. Alors, pourquoi aussi la ne pas s'en tenir à la définition culturelle? Nous pouvons la donner à l'aide du discours humain. Ce qu'on vient avoir, c'est l'idée que lui a l'organe, ce qui l'organe. Ça, Freud le perçoit, nous. Et l'indique très précisément que ce parcours qui jouerait décisif dans le premier rapport, le premier accrochage, les lignes de Dora avec de la 14e, et Claude Lacroix et Claude Lambrasse. Ça n'altère pas du tout les relations entre les deux. Personne ne change au reste à son étonné. C'est une preuve. Toujours toute seule avec ses chansons. Il y a des gens qui arrivent, qui arrivent, qui est là aussi tout seul, c'est le même des gens dans le souci. Mais plus tard, alors pourquoi? Est-ce que c'est l'organe qui fait le prix de troisième homme de suite? N'est pas pour que Laura en fasse pour aucune autre l'en prie. Ce qui intéresse Laura, ce n'est pas le bichu, mais un crâne. C'est comme le premier rêve, souvenez-vous, cette observation qui dure trois mois, et tout entière faite pour nous servir de cumul à deux rêves. Ce n'est pas le bijou, c'est la boîte. Le rêve, c'est la boîte à bijoux. Premier, c'est le rêve en témoin. L'enveloppe, le rêve en cas. Voilà seulement ce dont je dis. C'est très bien en jouir par elle-même. On témoigne l'importance de ce bijou, de la masturbation tranquille. Donc, le reste ne nous indique que dans l'observation d'Aura qu'elle était morte, sinon, il est probable. Il avait quelques rapports avec ce qu'il appellerait le rythme fluide, coulant dans le modèle et dans les durées. Ça nous donne très précisément l'histoire de l'induite de l'État par celle de son frère. Un rythme plus lequel c'était arrivé affecté de cette énergie. Donc en quelque sorte, Laura prend le relais sur le sac. Ceci est tout à fait caractéristique. Je parle de l'énergie. Et comme l'on peut dire le stigmat de la substitution imaginaire de l'enfant, c'est fait justement comme un puissant. Ça va être de l'enfant. Mais de cet épisode, je dois être présent, on va intervenir à l'analyse. Et de ces décisions peuvent recueillir de leur expérience. Alors, joint à tout ça, la contemplation théorique de Madame Tarr, si je puis m'exprimer ainsi, telle qu'elle s'épanouit dans le séjour à Laura Béante devant la Madone de Brest. Le seul Madame K qui sait soutenir le désir privé le rendu du répondant fichu, qui se trouve ainsi doublement exclu de sa prise. Eh bien, ce comble est par la mer la marque de l'identification à une jouissance en tant qu'elle est celle est. Petite parenthèse, n'est pas rien de rappeler l'analogie de la fête de l'énurésie à l'enfant. Mais confirmons, la condition imposée au cadeau de M. Parti, c'est d'être la boîte. Il ne lui donne pas autre chose qu'une boîte à bijoux. Le bijou, c'est elle. Son bijou à lui. Comme je disais tout à l'heure, d'un village se nicher ailleurs et qu'on le sache. D'où la rupture. Depuis longtemps, j'ai marqué la signification quand M. Pagli dit ma femme n'a rien ressenti. C'est vrai qu'à ce moment-là, la jouissance de l'autre sera à elle. Je disais bien le parti, parce que quelqu'un peut savoir. Très bien de la jouissance, mais pour le faire servir à la vérité. Vérité maître de la carte. La carte entendra et cette vérité, on va dire enfin, c'est que le maître est charme. En effet, la jouissance unique à représenter le bonheur, celle que j'ai définie la dernière fois comme parfaitement close, celle du phallus, le dominège maître, vous voyez ce que j'en vois, mais justement. Ne peut le dominer qu'à l'exclure. Comment le maître établirait-il ce rapport au savoir? C'est une parole de ce rapport au savoir dont les bénéfices, le forçage plus de jouir. Si bien le second rêve marketing de le père symbolique, c'est bien le père fort qu'on y accède dans un lieu vide et sans communication. Rappelez-vous la structure de ce rêve qui commence après avoir reçu l'annonce par sa mère. Bien, si tu veux, dit la mère, comme en écho, tu le verras. À ce que Mme K lui a dit autrefois, venir dans l'endroit où doit se produire le mari. Le mari de la vie, de tous les drames que nous avons dit, bien, si tu veux, ton père est mort et on l'enquête. Et le jour de l'État, c'est ça. Jamais dans le rêve, par quel moyen elle est parvenue. Quand elle va pour arriver à un lieu, il faut qu'elle demande si c'est bien là qu'habite monsieur son père. Je ne savais pas. C'est bien dans la boîte vide de cet appartement déserté. Déserté par ceux qui sont partis. L'avoir invité de leur côté au cimetière, voilà. Pour la se taire, aisément s'en substitue dans un gros livre. Le dictionnaire. Le dictionnaire où l'on sait. Où l'on apprend, ce qui concerne les textes, marquant bien l'âme, ce qui lui importe, plus au-delà de la mort du cœur, mais ce qui lui produit le savoir. Pas n'importe quel. Ce savoir sur la vérité, c'est à faire pour elle de l'expérience analytique, car cette vérité à croire précieusement et celle que la tâche prend l'aide, elle aura cette satisfaction de la faire reconnaître par tout le monde. Les épisodes de l'autant d'artisan de l'antique dont j'en ai proposé la représentante, ceci se trouve. Ceci suffit pour 1947, eux sont issus de la société espagnole. Il y aurait là au passage quelques remarques à faire qui ne sont pas à peine. Étant donné que des choses qui passent comme ça pour une métaphore sont preuves par exemple. Par exemple, l'analyse du rêve me dit qu'il ne faut pas oublier que pour qu'un rêve tienne sur ses deux pieds, il ne suffit pas qu'il représente une décision, un vide du désir du sujet quant au présent dans le cas du rêve. Il s'agit d'aura son âme. Parce que l'incendie menace. Il faut la preuve. Il nous faut quelque chose qui donne son appui au rêve, un désir de l'enfance. Et là, ce qui nous importe, c'est la référence qu'il prend, la France, je dis d'habitude, de l'élégance, de l'entrepreneur, l'entrepreneur de la décision, bien entendu, de le capitaliste. Le capital, le capitaliste qui permettra à cette décision de passer un acte. Il n'est pas allusion à la presse de la relation du capitalisme à la fonction du maître, du caractère tout à fait distinct de ce qui peut se faire du processus d'accumulation à la présence du plus de jouir. De la présence de ce plus de jouir elle-même, à l'exclusion de ce qui est le droit de jouir, le jouir simple, le jouir qui s'habite dans la population toute nue. Est-ce que ce n'est précisément pas de là que le désir infantile prend sa force d'accumulation au regard d'objets fixés, cause du désir? De capital, de dividendes s'accumule, que par précisément la non-maturité infantile, l'exclusion de la jouissance de d'autres appellerons normal. Voilà qui tout d'un coup donne son accent propre à la métaphore freudienne quand il se réfère au capitalisme. De l'autre part, c'est de son courage lucide qu'il se trouvait porter au terme un certain succès de l'ordre. Pourquoi, dirons-nous, implique-t-elle sa maladresse à retenir sa passion? Qu'on lise ces quelques lignes, ou malgré lui, en quelque sorte, ce de la vie. Thank you. peuple du pays Israël veut dire carrément qu'on l'a double reproche par la fille à la mère de ne l'avoir pas créé car de venir encore sur la mer sous forme de frustration que si dans son essence significative telle qu'elle donne sa place fonction vive au discours de l'hystérie, au regard du discours d'être, et double, d'une part, quatre actions du père idéalisé qui livre le secret d'être, d'autre part, privation, absorption par le sujet féminin, ou pas de la jouissance d'être pur. Pour la preuve, c'est de tromper à ce point. Alors, en quelque sorte, si l'on en croit mon analyse d'aujourd'hui, qui avait littéralement la beauté pour lui offrir un peu, pourquoi substituer le savoir qui l'a saisi de toutes ses bouches d'or, Anna, Amy, Dora, ce mythe, la complexité. Qu'on le dédite du jour rose du savoir à prétention de vérité, du stimulant quelque part, dans cette figure qui justement n'est pas écrite sur lequel du discours, à savoir un certain savoir aussi que j'ai appelé tout à l'heure celui de la vérité. Oui. Il est étrange qu'il ne soit pas venu plus rapidement tout à fait clair que si toute l'interprétation s'est engagée du côté de la gratification ou de la non-gratification, de la réponse ou non à la demande, bref. Vers une illusion toujours croissante vers la tenance de ce qui est de il s'agit d'assurer l'objet. C'est probablement du caractère strictement inutilisable et en effet inutilisable. Quelle place tient dans une analyse la référence à ce fameux complexe justement ici à tous ceux qui sont analystes de raison. Bien sûr, ils s'en servent jamais. Et ils ont demandé pour un petit effort, à dire ça, ça ne sert à rien. Ou même. C'est tristement inutilisable, sauf que ce grossier rappel de la valeur d'obstacle de la mèche, que tout investissement d'un objet comme cause de l'extraordinaire élucubration auquel arrivent les analystes concernant. Le parent combiné, comme ils disent, ne signifie qu'une chose. Édifier un grand enseigneur de la jouissance, c'est-à-dire, on appelle généralement Dieu, avec lequel ça vaut la peine de faire le quitte ou double du plus léger. C'est-à-dire ce fonctionnement qu'on appelle le surmoi. Ah, je vous garde. Je n'avais pas encore abordé cela, ce mot. Ça ne vaut pas mes raisons. Ça n'est que ça soit arrivé. Au moins, où j'en suis là, parce que l'année dernière, je vous ai énoncé que Paris Pascal puisse devenir opérationnel. Démontrer que sur moi, exactement. Peut-être certains ont-ils donné ce que je commence à démontrer. Quand je vous ai dit que la vie de François, qui joue en faveur du champ de l'éternel, c'est le temps d'extrême de la peine, que si c'est mental, n'est pas la règle. C'est ton analyse qui est tout à fait. Le parent combiné, ça n'existe pas. Comme il est par maintenant quelque chose de sa sensation, dans ce recours au mystère. Et bien sûr, ceci vaut la peine de penser aujourd'hui. Vous me sentez qu'il y a de l'art. Dans près de plus, dans cette dernière conférence, car une autre, celle qui s'appelle les nouvelles conférences sur la psychanalyse, on va trancher ce qui est de la question du rejet, de la religion, de tout horizon recevant. Croire l'avoir fini pour nous avoir vécu. Que le support de la religion, ce n'est rien que ce fait auquel l'enfant reste quand il sait qu'il est en quelque sorte tout un peu ballotant, il prévient de se manifester de mal. Est-ce que ce n'est pas là une chose étrange? En fait, ce n'est pas que par ce bout que Freud nous présente un paradoxe. L'idée de le référer à je ne sais quelle jouissance originelle de toutes les femmes, comme il est bien venu que un père suffit tout juste. Et encore, au baptisant, avec le maître, je parle des choses qui fonctionnent avec le maître, que le rapport le plus lointain. Nous sommes dans la société, au moins à laquelle on a affaire. C'est lui qui travaille pour tout le monde. La charge de la famille dont je parlais tout à l'heure. N'est-ce pas là assez d'étrange que le père, d'après tout, ce que Freud prévient en fait, sinon en intention, c'est très précisément. La première forme parmi les trois qu'il donne à l'article de tout à l'heure, l'identification. Le père est amour. Ce qui vient premier à aimer dans ce monde est le père. Il tremble. Il se retrouve. Quelque chose. Il croit que la vie est temporelle. Alors que vraiment, mais la substance même qui concerne avec ce livre bizarrement qu'on nous est fait. Naturellement, nous y reviendrons, mais déjà, si vous pouvez en voir être. Je vous signe avec une réalité à savoir le père originel et celui. Après quoi, l'amour de ce père entre que tout procède d'un certain âge. Il ne semble pas que ceci, dans ces démarches, une contradiction de son baroque et sa superficie, est autre chose. Autre chose est entre ceci et que. En clair, le navire de preuve va faire le choix de celui-ci, les rétrécis de savoir ce qu'il s'agit de et alors qu'il entre dans ce champ du discours du maître que nous sommes en train de discuter.